aujourd'hui tout est dans l'ombre. Si l'avenir te semble sombre, si tu n'aperçois pas d'issue, si tous tes efforts sont déçus, si aujourd'hui tout est douleur sous le joug d'un destin vengeur, si tu n'en comprends pas le sens, garde courage et espérance, car ils viendront ces lendemains, car ils viendront, sois-en certain, comme une aurore après la pluie, c'est écrit. Viendront des jours meilleurs, viendront des jours plus beaux, où nous aurons plus chaud au cœur, où nos fardeaux seront. La délire.